Before going on to the next dialogue, here are four new words and phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et répétez. Nous commençons. Une bonne idée. A good idea. Une bonne idée. C'est combien? How much is it? C'est combien? Gratuit. Free. Gratuit. Excusez-moi. Excuse me. Excusez-moi. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Yes, and to do that, just give the French equivalent of the English you hear, and then repeat the correct answer. Free. Gratuit. Excuse me. Excusez-moi. How much is it? C'est combien? A good idea. Une bonne idée. Comme d'habitude, si vous avez eu des problèmes avec le test, écoutez encore la dernière section et répétez le test.